إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 8 aujourd'hui dans l'explication de al-usul al-thalatha, l'explication du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah. Et on est donc en direct de la mosquée de Nourain. Et donc, alhamdoulilah, on est arrivé à la partie numéro 2 dans l'introduction de Al-Usul al-Thalatha, où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne trois points parmi les trois, parmi des éléments qui font partie de la croyance et des fondements de la croyance islamique et qui sont directement reliés avec le tawhid et l'unicité d'Allah. Donc dans les cours précédents, on a parlé donc de ces trois points que le cheikh a mentionné, et on a dit que al-oula i'lam rahimakallah annahu yajib ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum hadhihi al-masail al-thalath wa al-'amal bihin. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Donc la première des trois choses, c'était de savoir que Allah, c'est notre créateur, celui qui nous donne le risque, la subsistance, et qui ne nous a pas laissé sans devoir, sans obligation, sans responsabilité. Il nous a envoyé des messagers, et ceux qui obéissent à ces messagers-là entrent au paradis, et ceux qui désobéissent aux messagers entrent en enfer. On a expliqué ça. Le deuxième point, c'était à propos de l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire que celui qui a été satisfait que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, Allah subhanahu wa ta'ala il n'agrée pas ou n'est pas satisfait qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration, que ce soit un ange rapproché ou un messager envoyé. Et donc on a expliqué ce point là أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. On a donné la preuve et on a expliqué ce point là une très belle explication du Cheikh Ubayd à ce sujet. Et on est arrivé donc au point numéro 3. قال المصنف رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. Donc le troisième point est au sujet de al-wala wal-bara, au sujet du fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne prendre pour alliés que les mu'minin, et d'expliquer qu'il est obligatoire aux mu'min de se désavouer de tous ceux qui font le shirk, peu importe qui ils sont. Tous ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, on doit s'opposer à eux et les détester pour Allah, même si ces gens-là font partie des gens les plus proches de notre famille et qui ont des liens de sang avec nous. Donc ça, c'est ce qui est expliqué dans ce point, qui est le point numéro 3 dans la deuxième partie de l'introduction de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et ça, c'est un principe, al-wala wal-bara, qui est supporté par de nombreux versets dans le Coran et de nombreuses preuves dans le Coran et dans la Sunna. Il y a une série de versets qui supportent ce point-là et ce principe. Donc, pour traduire qu'est-ce qu'on vient d'expliquer en français, on a expliqué un peu le sens, mais on va lire donc la traduction du sens du verset. C'est le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. C'est-à-dire Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et ceux-là sont en fait le parti d'Allah. Et le parti d'Allah est celui qui réussit. Ou celui de ceux qui réussissent. Naam. Donc ça, c'est le verset que le Cheikh a cité pour supporter ce point-là. On va lire maintenant l'explication de Cheikh Ubaid, hafizahullah. Cheikh, il dit: وهذه المسألة من أعظم قواعد الدين لتضمنها قاعدة الولاء والبراء. فالولاء الحب في الله والمناصرة فيه، والبراءة هو البغض في الله والمعاداة فيه. وقال الشيخ المصنف رحمه الله في بعض رسائله: وأصل الدين وقاعدته أمران، الأولى الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والأمر الثاني النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Donc on va expliquer ce point. Non, donc Cheikh Ubaid, il explique ici, il dit que cette question ici, c'est en réalité un des plus grands principes de la religion, parce qu'il comprend la règle ou le principe qu'on appelle al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Et ça, c'est un principe fondamental dans l'islam. C'est une règle et un principe que, malheureusement, beaucoup de musulmans ignorent ou ne comprennent pas correctement. Et c'est un point et une règle et un principe qui est directement relié au tawhid, à l'unicité d'Allah. Donc c'est fondamental pour le croyant musulman de connaître ces règles-là et ce principe-là, parce que c'est relié directement avec les bases et les fondements de la foi islamique. Il n'y a pas d'excuse pour un musulman d'ignorer ça. Quelqu'un doit vraiment faire des efforts pour apprendre ce principe comme il faut et le comprendre comme il faut, et en particulier à notre époque, pour éviter de tomber dans certaines formes d'exagération et d'extrémisme dans ce fondement là comme les Khawarij par exemple, qui au nom de Al-Wala Al-Bara vont faire le takfir de gens qui sont musulmans croyants, hein, mais yani, étant donné qu'ils sont dans des formes d'extrémisme dans la compréhension de ce principe-là, ils ne savent pas distinguer entre qu'est-ce qui est une forme de wala ou al-bara qui fait sortir de l'islam ou non. Donc ils mettent toutes les catégories dans ce qui fait sortir de l'islam sans distinction et sans compréhension. Donc ayant dit ça, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie al-wala. Le Cheikh Ubayd il dit que al-wala c'est le fait d'aimer en Allah. Al-hubbu fillah. Donc al-wala c'est en réalité l'amour en Allah. Également, il dit wal-munasaratu fihi. C'est-à-dire de venir au secours des uns des autres dans l'amour d'Allah. De venir au secours des uns des autres dans l'amour d'Allah et de se défendre les uns des autres pour l'amour d'Allah. Donc ça c'est al-wala, qu'est-ce que ça signifie? Et al-bara, Cheikh Ubayd il explique que ça veut dire le fait de se détester en Allah, ou de détester en Allah. C'est-à-dire que tu détestes quelqu'un par rapport à qu'est-ce qui vient en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, hein, ou de ce que Allah aime. Donc aimer en Allah, ça signifie d'aimer dans ce qui amène l'agrément d'Allah, et de détester en Allah, ça veut dire de détester quelqu'un pour toute chose qui vient en contradiction avec ce que Allah aime. Dans le sens que tu détestes quelqu'un parce que cette personne, elle contredit l'ordre d'Allah et elle contredit ce que Allah aime. Et al-wal-mu'adatu fihi, c'est-à-dire d'avoir de l'opposition et de l'animosité en Allah subhanahu wa ta'ala envers la personne qui s'oppose à Allah et qui contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Donc le cheikh il explique que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans certains de ses livres, il a expliqué ce principe-là d'une façon résumée. Et il a expliqué, il a dit que la base et la règle de la religion se résument en deux choses. La première chose, c'est premièrement l'ordre d'adorer Allah lui seul et d'inciter à le faire, c'est-à-dire d'inciter les hommes à adorer Allah seul et d'aimer tous ceux qui le font, hein, et de déclarer la mécréance de tous ceux qui l'abandonnent ou le délaissent. C'est-à-dire de déclarer la mécréance de toute personne qui abandonne et délaisse l'adoration d'Allah seul. Soit parce qu'il cesse d'adorer Allah de façon totale, ou bien qu'il cesse d'adorer Allah seul. C'est-à-dire qu'il va continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais il va adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc il devient mushrik. Naam. Et la deuxième chose qui fait partie des fondements de la religion de l'islam, c'est le contraire de ce qu'on vient de mentionner. Parce que toute chose devient plus claire lorsqu'on mentionne son contraire. Donc comme on a dit, la première chose c'était l'ordre d'adorer Allah lui seul, eh bien, le contraire, c'est la deuxième chose, c'est le contraire. L'interdiction d'associer quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration d'Allah. Et d'être sévère dans cette interdiction-là, et de s'opposer et de détester toute personne qui associe, qui commet du shirk dans l'adoration d'Allah, et de déclarer la mécréance de toute personne qui le fait, c'est-à-dire toute personne qui a fait du shirk avec Allah et qui a associé dans l'adoration d'Allah. Et ça c'est tiré du livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Donc, ayant dit ça, maintenant on va continuer l'explication du point qu'on est en train d'expliquer. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم نعم لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Donc la première partie de cette phrase, c'est-à-dire قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله, c'est-à-dire que toute personne qui a obéi au messager et qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, وحد, c'est le verbe d'unifier, وحد يوحد, et on dit, c'est de là que vient le terme توحيد, وحد يوحد توحيدا. Donc quiconque a obéi à Allah, comme on a mentionné dans le premier point. Le premier point, c'était sur l'obéissance d'Allah. Puis le deuxième, c'était sur l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, wa wahhad Allah. Et donc, le cheikh, il explique, il dit, al-ibadatu la tusamma ibada ala al-wajh al-sahih hatta yajtami'u fiha hadhan al-amran. Ta'atu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ni tajridu al-mutaba'ati lahu. Donc le cheikh, il dit que l'adoration ne doit pas être appelée ou ne peut pas être appelée adoration de façon authentique ou correcte tant qu'elle ne réunit pas ces deux choses-là. Et les deux choses en question, c'est premièrement l'obéissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on doit le suivre, lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, exclusivement, dans le sens qu'on suit l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la façon dont on adore Allah subhanahu wa ta'ala, et on le suit lui exclusivement puisque c'est le dernier des messagers et c'est le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose qu'il faut que cette adoration là possède pour qu'elle soit réellement une adoration, c'est qu'elle soit une adoration basée sur l'unicité d'Allah, c'est-à-dire qu'on rend l'adoration pure et exclusive à Allah seul, et qu'on n'en offre pas yani une partie ou la totalité à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc toute notre adoration doit être exclusivement et purement et entièrement pour Allah seul. Sinon, si on ne respecte pas ces deux conditions-là, notre adoration n'est pas en réalité une vraie adoration. Après, le cheikh explique, donc parce que peu importe la quantité aussi, ça c'est important de dire ça, peu importe la quantité d'adoration que tu fais, peut-être il y en a des gens qui vont passer des nuits et des jours à adorer Allah sans arrêt, mais parce qu'ils n'adorent pas Allah selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, leur action n'est pas acceptée, ou parce que peut-être qu'ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'ils ne font pas preuve d'ikhlas, c'est-à-dire ils ne sont pas sur le tawhid, ou n'ont pas purifié leur adoration pour qu'elle soit exclusivement pour Allah seul, et bien à cause de ça, leurs actions ne sont pas valables. Donc il faut que les deux conditions soient réunies dans une adoration pour que Allah l'accepte. Après, le cheikh, il dit, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah. C'est-à-dire que celui qui a fait ça, il a obéi au messager. Ensuite, il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Donc, il a établi le tawhid. Qu'est-ce qu'il faut par la suite? Il dit, il ne lui est pas permis d'aimer, de s'allier ou de prendre pour ami, toute personne qui est en opposition avec Allah et son messager. Et donc, on n'a pas le droit d'aimer, de défendre et d'être en relation d'amitié avec toute personne qui est en opposition avec Allah et son messager. Le cheikh, il explique ça. Il dit, al-muwalat hiya al-mahabba wa al-nusra fillahi, wa hiya al-muwadda لأن الحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد من الحديث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فالبغض في الله يجب وإن كان مع أقرب الناس ما دام محادا لله ومعاندا شرعا، معاندا شرع الله وإن كان أقرب الناس. Donc le cheikh il explique, il dit que l'amour, al-mu'alat, c'est l'amour et le fait de défendre, de défendre ou donner la victoire à quelqu'un dans ce qui plaît à Allah. Mais en réalité, c'est ça, c'est l'amour, c'est l'affection d'aimer. Et l'amour en Allah et le fait de détester en Allah, ça fait partie des choses fondamentales dans la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté selon Abi Daoud et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', il dit: celui qui a aimé pour Allah et qui a détesté en Allah et qui a donné pour Allah et qui s'est abstenu de donner ou qui a retenu pour Allah, alors il a complété ou il a parfait la foi. Il a certes complété et parfait sa foi. Donc je répète encore une fois: celui qui a aimé en Allah et qui a détesté en Allah et qui a donné en Allah et qui a retenu ou qui a gardé pour Allah, eh bien il a complété et parfait sa foi. Et dans un autre hadith qui est rapporté dans Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Anas, il y a trois choses que si une personne les possède en lui, il va trouver la douceur de la foi. La première de ces trois choses, c'est que Allah et son messager sont plus aimés de lui que tout ce qu'il y a en dehors, dans le monde. Tout autre chose. Il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Donc ça, c'est la première chose qui fait que la personne en question va trouver la douceur de la foi. La deuxième chose, c'est qu'il aime quelqu'un, il aime son frère, il aime une autre personne, mais il ne l'aime que pour Allah, uniquement pour ce qui amène l'agrément d'Allah. Donc ça, c'est la deuxième chose qui fait que quelqu'un peut trouver la douceur de la foi. Et la troisième chose, c'est qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en a sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Et qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith-là, du dernier hadith qu'on a cité? C'est que dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et que la personne, elle aime une autre personne uniquement pour Allah seul, c'est-à-dire pour rien d'autre que pour Allah. Elle aime cette personne en Allah, c'est-à-dire en ce qui amène l'agrément d'Allah. Le cheikh, il explique, il dit donc d'aimer en Allah, c'est quelque chose qui est obligatoire. Même si c'est quelque chose, ou plutôt de détester Allah. d'aimer et de détester Allah. Mais ici, il cite de détester Allah, c'est quelque chose qui est obligatoire, même avec les personnes qui sont les plus proches de nous. Tant que ce sont des personnes qui s'opposent à Allah et à son à Allah et qui s'obstinent, qui s'acharnent contre la révélation d'Allah, même si c'est parmi les personnes les plus proches de, no, de notre famille. Bien entendu, yani, comme le cheikh il l'explique ici, il dit qu'on doit détester la personne qui s'oppose à Allah, même si c'est notre père, même si c'est notre frère, même si c'est notre oncle, même si c'est yani, peu importe quel membre de la famille. Donc si c'est le cas pour les gens qui sont dans notre famille, on doit les détester parce qu'ils aiment le shirk, parce qu'ils aiment le kufr, parce qu'ils aiment l'égarement. Donc ça c'est une obligation pour le mu'min. Et c'est quelque chose qui vient tout de suite, comme automatiquement en lui. C'est pas quelque chose qu'il a besoin de faire beaucoup d'efforts ou de se forcer à faire, parce que c'est parce que ça vient directement de sa foi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset « La tajidu qawman ». Il n'a pas dit que c'est quelque chose comme si en voulant dire « N'aimez pas ceux qui opposent Allah et son messager ». C'est pas comme s'il a dit « N'aimez pas ceux qui opposent Allah et son messager » dans le verset. Il a dit « Vous n'en trouverez pas ». C'est comme si « La tajidu ». Tu ne vas pas en trouver des gens qui aiment, qui croient en Allah au jour dernier et qui en même temps aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est comme si pour dire, c'est impossible de trouver les deux en même temps. Tu ne peux pas aimer, croire en Allah et aimer Allah, puis en même temps aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est comme si c'est une contradiction. C'est quelque chose qui vient automatiquement en opposition avec la foi du croyant. Toutefois, bien entendu, il faut faire la distinction entre l'amour de quelqu'un, par exemple, qui est un amour naturel qu'il a pour ses parents, et l'amour du mushrik à cause de sa religion et de son shirk. Ça, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le cœur de l'homme cette affection envers ses parents, envers certains proches, envers sa femme. Si sa femme n'est pas musulmane ou si ses parents ne sont pas musulmans, il y a cette affection-là. Et ça, c'est naturel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas blâmer quelqu'un d'avoir ce genre d'affection-là ou ce genre d'amour, puisque ce n'est pas quelque chose qu'il contrôle en réalité. Mais par contre, il déteste en Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens qu'il déteste leur shirk, il déteste leur kufr. Et il s'oppose à leur croyance d'égarement et de mensonge et de fausseté. Donc si quelqu'un, par exemple, il est marié avec une femme qui est juive ou chrétienne, c'est certain que l'islam a permis ça. Et c'est certain qu'il y aura probablement certains attachements entre cet homme et cette femme, puisque c'est naturel pour un homme d'être attaché à sa femme et d'avoir une certaine affection pour elle et d'avoir un certain amour pour elle, mais ça c'est quelque chose de naturel. Mais en ce qui concerne la religion, il ne l'aime pas, sa religion, et il déteste tout ce qui a rapport avec son shirk et son kufr. Donc il la déteste en Allah. Ça c'est obligatoire. Même tes parents, s'ils ne sont pas musulmans, si ce sont des mushrikines et des kuffars, tu dois les détester en Allah, même si tu ne vas pas être blâmé d'avoir cet amour naturel. Et la preuve que certains ulama ont mentionné à ce sujet-là, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. C'est-à-dire tu ne vas pas guider. إنك لا تهدي من أحببت. Tu peux pas guider celui que tu aimes. ولكن الله يهدي من يشاء. Mais Allah guide qui il veut. Et ça, ce verset a été révélé à propos de l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'explication des ulama, comme l'imam al-Tabari et d'autres ont expliqué, que ça veut dire soit deux choses. La première chose, innaka la tahdi man ahbabt, c'est-à-dire man ahbabta hidayatahu. Man ahbabta hidayatahu. C'est-à-dire, tu ne peux pas guider celui dont tu aurais aimé la guidance, ou dont, celui dont tu aurais aimé qu'il soit guidé. Ça, c'est une explication du verset. Mais Allah guide qui il veut. Donc, man ahbabta, ay ahbabta hidayatahu. Donc, celui dont tu aurais aimé la guidance. La deuxième explication, c'est, innaka la tahdi man ahbabta mahabbatan tabi'iyya. Celui que tu as aimé, tu ne peux pas guider celui que tu as aimé d'un amour naturel, pas l'amour religieux. Donc il faut faire la distinction entre l'amour religieux et l'amour naturel. L'amour naturel qui n'est pas blâmé, puis l'amour qui est religieux, qui est basé sur la foi, et donc ça c'est quelque chose qui est blâmable si tu l'as pour un mouchrik ou un kafir. Ayant dit ça, on va continuer, inshallah. Le Cheikh dit: واستدل الشيخ بهذه الآية من سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد الخطاب أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في هذا الخطاب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال يوادون يعني لا يمحضون أهل الكفر لا يمحضون أهل الكفر ولا يمحضونهم المودة قد يتعاملون معهم ولكن لا مودة بينهم لأن المودة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. يعني هذا بقية الآية. فيقول الشيخ عاما كائنا من كان، وإن كان أقرب الناس كالآباء والأبناء والإخوة والعشيرة، وهذا الأصل الأصيل يعني قاعدة الولاء والبراء لا يفقهها حق الفقه إلا أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم في الحياة وبعد الممات، فالموادة غير التعامل. Donc on va lire l'explication ici, c'est très important. Donc le cheikh explique, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a utilisé le verset 22 dans surat al-Mujadala comme preuve, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier. Donc quand il dit tu ne trouveras pas, il dit ça, c'est un discours qui est adressé premièrement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite qui s'adresse à toute la umma. Allah s'adresse par la suite s'adresse au prophète et à toute la umma en entier par ce discours. Puis ensuite il dit tu ne trouveras pas, il cite le verset qui signifie tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Donc le cheikh il dit ici qui aime, c'est-à-dire qu'eux ils aiment, c'est-à-dire tu n'en trouveras pas, c'est pas possible que des gens de la foi donnent un amour sincère et complet et de l'affection aux gens de la mécréance, de la perversité et du péché et de la désobéissance à Allah. Ils ne peuvent pas leur offrir l'amour. C'est possible qu'ils aient avec eux des interactions, C'est possible qu'il travaille avec eux, qu'il ait des relations avec eux, soit des relations économiques, des échanges économiques, des échanges diplomatiques, des échanges politiques ou des choses de ce genre. Ça, c'est possible. Mais de l'amour entre les deux, de l'amour religieux entre les deux, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour les croyants d'aimer les ennemis d'Allah. Parce que cela vient en opposition avec la règle de Al-Wala wal-Bara. Donc c'est comme on expliquait tout à l'heure. Et le cheikh il dit ensuite, donc tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime celui qui s'oppose à Allah et à son messager. Et ça c'est général. Yani, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, peu importe qui ils sont. Même si ce sont les gens les plus proches de la personne en question. Même si ces personnes-là sont ses parents, ses frères, ses fils, sa famille. Et ça, c'est un fondement et une règle de base. Donc, si c'est le cas pour les proches, que dire des étrangers? C'est encore plus pire. Parce qu'en principe, on a des liens d'affection plus forts envers ceux qui sont proches de nous et moins envers les étrangers. Et si Allah nous interdit d'aimer ceux qui sont proches de nous, dans leur mécréance et dans leur kufr et leur shirk, alors que dire des mouchriquins et des kuffars qui sont plus éloignés de nous, hein? Donc ça c'est clair. Et le cheikh il dit que cette règle de Al-Wala wal-Bara, il n'y a personne qui la comprend correctement, excepté les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, les Salafiyoun. Hein? Et il dit que Allah fasse que nous soyons, ainsi que vous-même, dans cette vie et dans l'autre, parmi ceux-là. C'est-à-dire qu'il fasse de nous des gens de la Sunnah et de la Jama'a, dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, il faut faire comprendre aux gens, et il faut comprendre pour nous-mêmes aussi, que l'amour, c'est pas la même chose que l'interaction et la façon dont on agit avec les gens. Parce qu'il y a des ignorants, des khawarij, des takfiriyin, à notre époque, qui pensent que on n'a pas le droit d'avoir aucune interaction avec les kuffars dans aucun cas. Et ils pensent que d'avoir des alliances politique ou économique ou diplomatique avec des koufars entre les pays musulmans et les pays non musulmans, ils pensent que ça c'est quelque chose qui contredit ou qui vient en opposition avec Al-Wala wal-Bara, alors que c'est pas le cas, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des ententes avec les koufars et les mouchriquins, avec les juifs et les idolâtres, avec les chrétiens et autres. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait ses ententes et ses alliances, eh bien, c'est la preuve que ce n'est pas quelque chose qui vient détruire la foi et les fondements de la religion, mais que c'est quelque chose qui est permis dans la religion musulmane. Qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce que signifie de prendre pour alliés les mouchriquins et les kuffars, c'est-à-dire lorsque tu les aimes dans leur mécréance et que tu es d'accord avec leur mécréance et avec leur kouf, avec leur shirk, alors là, dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui vient en opposition avec les fondements de la foi. Mais de simplement avoir des interactions avec eux, de signer des ententes de paix avec eux, de signer des ententes économiques avec eux, de vendre et d'acheter avec eux, ça, il n'y a rien qui vient en contradiction dans l'islam avec ça. Malheureusement, certains jeunes, ils lisent des versets dans le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des khawarij, ahdaful asnan, sufaha'ul ahlam. Ce sont des jeunes rêveurs et qui sont faibles d'esprit. Ils sont pas intelligents, comprennent pas les choses comme il faut. Donc ils prennent les versets et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des khawarij, يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم. Ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur clavicule. C'est-à-dire ils lisent le Coran sans compréhension. وَيَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Ils sortent de la religion, ils quittent l'islam de la même manière qu'une flèche quitte son arc lorsqu'elle est lancée, hein, et elle passe à travers sa proie, hein, elle passe à travers sa proie. Donc à cette vitesse là ils quittent l'islam, on ne voit aucune trace sur la flèche tellement elle est passée à travers rapidement. Tout ça, c'est des exemples de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des khawarij, et ça s'applique à eux parfaitement à notre époque, les différents groupes de bid'a et d'égarements parmi les takfiriyin, hein, les khawarij de Daesh, ou bien les groupes qui sont alliés avec Daesh, ou bien Al-Qaïda, hein, ceux qui ont suivi Ben Laden, Al-Zawahiri et autres. Donc tous ces groupes-là, de toutes ces tendances, peu importe le nom qu'ils se donnent dans le monde, sont sur la tendance des Khawarij. Et ils font le takfir sans preuve et sans connaissance. Et ils ne se réfèrent pas aux ulama pour savoir qu'est-ce qui est kuf ou non. Même qu'ils font le takfir des ulama, Allah al-Musta'an. Tous les ulama, s'ils ne sont pas d'accord avec leur takfir, c'est-à-dire s'ils ne sont pas d'accord avec ceux qu'ils ont déclarés kuffar, eh bien ils les déclarent, ces ulama, c'est-à-dire ils déclarent les ulama kuffar aussi. Donc tous les khawarij à notre époque qui déclarent les dirigeants kuffar sans preuve, ils vont déclarer kuffar également les ulama qui ne sont pas d'accord avec eux. Et ils vont déclarer tous les musulmans en général qu'ils ne sont pas d'accord avec eux aussi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Tout ça à cause de leur ignorance et leur incompréhension de Al-Wala Al-Bara. Maintenant, le cheikh, il pose une question. Il dit, « وَهُنَا سُؤَالُ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْحَذَرِ مِنَ الْبِدَعِ وَإِنْكَارِهَا وَالتَّنَكُّرْ لَهَا بقي المبتدعة كيف يكون التعامل معهم. Ça, c'est une très bonne question, parce que souvent par exemple les sorori ou les, il y a certains groupes de takfir à notre époque qui se prétendent suivre la sunna, comme ceux qu'on appelle les sororiya ou les qutbiyin et d'autres, ils vont dire par exemple, nous, on fait aussi, on applique aussi Al-Wala Al-Bara vers les kuffars, on n'aime pas les kuffars. Même qu'ils vont l'appliquer à l'extrême, parce qu'ils vont déclarer même les musulmans kuffars sans comprendre. Mais bon, qu'est-ce qu'il en est maintenant de la bid'a? Parce que ce verset-là aussi, c'est un des versets les plus grands, comme parmi les preuves de mise en garde contre l'innovation et les innovateurs. Donc, comment doit-on agir envers les mubtadi'a? Donc, tu vois que ces takfiriyin à notre époque, eh bien, c'est les premiers à se mettre en défense des mubtadi'a et des groupes de bid'a et des hizbiyin. Ils défendent Sayyid Qutb, ils défendent Hassan al-Banna, ils défendent des personnages qui sont vraiment des ennemis de la sunna à notre époque et qui sont en opposition avec la voie des salafs. Donc, comment ils peuvent faire le lien entre Al-Wala Al-Bara et la défense des Mubtadi'a? Parce que Al-Wala Al-Bara, quand on dit qu'on doit aimer pour Allah et détester pour Allah, eh bien c'est pas seulement quelque chose qui s'applique entre les musulmans et les kuffars, mais quelque chose qui s'applique même avec les musulmans qui ont opposé la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui contredisent la voix d'Allah et de son messager. Parce que les gens de bid'a sont en opposition avec la voix d'Allah et de son messager. Donc comment vous appliquez ou vous prétendez appliquer Al-Wala Al-Bara, mais quand c'est le temps de l'appliquer envers les gens de bid'a et les sectes et les groupes comme les frères musulmans, comme les chi'a rafida contre les asha'ira, les qadariya, les mu'tazila, les jahmiya, les jamaat tablir, les soufiyas, les hululiyas, et ainsi de suite. Ça, vous ne l'appliquez pas envers eux. Mais ça, c'est une contradiction. Hein? Donc, le cheikh, il explique ça maintenant. Il dit, al-bid'atu thalathatu asnaf. Il dit, la bid'a, elle est en trois catégories. Trois catégories. Awwalan mukaffira, ka bid'ati rafd wa tajahum wa al-hulul wa wahdati al-wujud. Thaniyan mufassiqa, ka bid'ati al-i'tizal wa al-tamash'ur. وثالثا دون ذلك كالذكر الجماعي. Donc le cheikh il dit que la bid'a se divise en trois catégories. La première catégorie de bid'a, c'est la bid'a qui est mukaffira. Mukaffira, il y a le mot takfir dedans, il y a le mot kufr, mukaffira. C'est-à-dire la bid'a qui fait tomber la personne qui le commet dans la mécréance. Parce que c'est une bid'a qui est shirk majeur, dans laquelle il y a un shirk majeur ou un kufr qui est majeur dedans. Et il cite comme exemple la bid'a du rafd. Bid'atul rafd. Et bid'atul rafd, c'est la bid'a des rafidah. Et les rafidah, c'est une des sectes parmi les sectes des shi'a. Les rafidah ont plusieurs noms. Et parmi leurs noms, on les appelle Rafida. On les appelle également Ithna Ashriya, parce qu'ils croient en 12 imams. Des fois en français, certains islamologues ou certains écrivains francophones, ils les appellent les duodécimains, pour faire plus intellectuel. Duodécimains pour dire 12. Et il y a aussi d'autres noms. Parmi les noms qu'on les appelle aussi, on les appelle les imamiyya. Al-Shi'a al-Imamiyya. Parce qu'ils croient en leurs 12 imams. Et il y a aussi un autre nom qu'on leur donne, c'est al-Ja'fariyya. Al-Shi'a al-Ja'fariyya. Parce qu'ils prétendent suivre Ja'far al-Sadiq. Bien entendu, Ja'far al-Sadiq n'a rien à voir avec eux. Mais bon, la même chose pour Ali, radiallahu anhu, et Al-Hassan ou Al-Hussein, n'ont rien à voir avec les Shi'a Rafida, mais eux prétendent le suivre. La même chose que les chrétiens, ils n'ont rien à voir avec Isa, ibn Maryam, mais ils se disent quand même suivre Isa. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un prétend suivre une personne qu'il est réellement en train de le suivre. La preuve avec les Rafida, qui se prétendent Ja'fariya. N'ont rien à voir avec Ja'far, n'ont rien à voir avec Ali, radiyallahu anhu, n'ont rien à voir avec Al-Hassan ou Al-Hussein, radiyallahu anhum, n'ont rien à voir avec Fatima, Al-Zahra, radiyallahu anha, n'ont rien à voir avec eux, n'ont rien à voir avec Ahlul Bayt, même s'ils prétendent aimer Ahlul Bayt au point d'exagérer à leur sujet, de les adorer comme des idoles en dehors d'Allah. Et de faire des pèlerinages à leur tombe, comme les mouchriquines, parce que c'est ce qu'ils font, Allah musta'an, ils font le shirk avec les descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est des choses contraires à l'islam. Et la bid'a du rafd, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent les 12 descendants de Ali radiallahu anhu et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les adorent en dehors d'Allah. Ils font des pèlerinages à leur tombe et ils les invoquent dans les moments de détresse au lieu d'adorer Allah seul. Et également, ils croient en eux et ils disent qu'ils ont des attributs divines. Ils leur affirment des attributs qui appartiennent uniquement à Allah, comme la connaissance du Ghaib, le contrôle de l'univers et des choses de ce genre. Également, ils insultent les Sahaba. Il déclare les Sahaba kuffar, en commençant par les plus grands d'entre eux, Abu Bakr, Omar et Uthman, radiallahu anhum, ainsi que les femmes du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par Aisha, radiallahu anha. Il les insulte et il les déclare kuffar parce qu'ils prétendent qu'ils ont volé le khilafa de Ali, radiallahu anhu. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges de leur part. Et ça, ça fait partie des exemples de leur kufr, le kufr des Rafidah. Et également, ils ne croient pas au Coran que nous avons. Ils disent qu'il y a un autre Coran qu'ils appellent le Mus'haf de Fatima. Et que le Mahdi va venir à la fin des temps pour révéler, comme s'il va le faire paraître. Et dedans, il y a la mention de Ali. C'est ça ce qu'ils prétendent. Qatalahum Allah. Donc ça, c'est des exemples de leur kufr. La même chose aussi pour ce qu'on appelle Al-Jahmiya. Cheikh, il dit Al-Tajahum. La bid'a de Al-Tajahum, c'est quoi? C'est la bid'a de Jahm ibn Safwan, qu'il a pris de Ja'd ibn Dirham. C'est-à-dire de nier tous les noms et les attributs d'Allah. Donc il nie tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna à propos d'Allah, comme nom et comme attribut. Et ils disent que tout ça c'est symbolique, c'est allégorique. Et ils disent que la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe et rien d'autre. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est de la mécréance, hein, c'est du kufr. Il mentionne aussi une autre bid'a qu'on appelle al-bid'atul hulul, ou bien al-hululiyya. Al-hulul, c'est ceux qui croient que, parmi les soufis, ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans certains de ses serviteurs et certaines de ses créatures lorsqu'elles sont devenues très pieuses après avoir fait des exercices spirituels très élevés. En fait, ce sont des bid'ahs et des danses et des chants et des mouvements. Et qu'est-ce qu'ils appellent, eux, du dhikr, qui n'a rien à voir avec le dhikr de l'islam. C'est plutôt le dhikr du shaytan qu'ils font. Nasallallahu al-afiyah. Se prosternent devant leur cheikh, ils tournent en rond, ils sautent, ils dansent, ils se balancent devant, par en avant et par en arrière. Et ils font ça au son de la musique et des tambours et des chansons. Il y a beaucoup d'autres choses de ce genre. Ils se privent de manger, ils s'isolent, ils ne se marient pas, ils restent loin des femmes, des choses comme ça. Tout ça pour qu'ils atteignent un degré où ils pensent qu'ils sont devenus un avec Allah. Que Allah devient un avec eux. Donc ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent al-hulul. Et il y a wahdatul wujud, qui est al-hulul al-am pour eux. C'est-à-dire que lorsque le soufi regarde le monde, il doit croire que tout ce qui existe c'est Allah seul. Et que tout est Allah. Il ne doit plus voir de différence entre le créateur et la créature, parce que pour eux, il n'y a qu'une seule existence, et c'est l'existence d'Allah. Et toutes les choses qui nous paraissent autour de nous comme faisant partie des créatures d'Allah sont en réalité des illusions. Il y a juste Allah qui existe. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk et du kufr. La croyance en wahdatul wujud, c'est une croyance qui ressemble à celle des bouddhistes et des hindous. Al-hulul wa wahdatul wujud, c'est quelque chose que les soufis ont copié chez les juifs et les chrétiens et les hindous et les bouddhistes. Les idées de nirvana, puis des incarnations, puis les chrétiens qui croient que Dieu devient un avec Jésus ou des trucs comme ça. Tout ça c'est du kufr et du shirk. Donc ça c'est des exemples de bid'a qui sont mukaffira. Il y en a d'autres aussi, mais ça c'est les plus importantes. En deuxième, le cheikh il a cité des formes de bid'a qui sont mufassiqa, c'est-à-dire qui font partie des grands péchés, qui sont du fisq, des grandes bid'a. Comme la bid'a de qu'est-ce qu'on appelle al-i'tizal. En fait, c'est la bid'a des mu'tazila et des asha'ira. Et les mu'tazila, ils ont plusieurs bid'a. Parmi les bid'a qu'ils ont, ils ont hérité ça des jahmiyyah, la négation des attributs d'Allah. Donc, ils nient les attributs d'Allah. Et les asha'ira aussi. Puisque les asha'ira, ils affirment cet attribut, mais toutes les autres attributs d'Allah, ils les nient, ils les déforment. Donc, ils sont semblables avec les Jahmiyyah et les Mu'tazila là-dedans. Les Mu'tazila, ils ont aussi une autre bid'a qui est la négation de la prédestination. Ils ne croient pas en qadar. Ils ne croient pas au qadar. Ils ne croient pas en la prédestination. Ils ont aussi une autre bid'a qui est qu'est-ce qu'ils appellent l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ordonner le bien et interdire le mal. Mais pour eux, ça veut pas dire, qu'est-ce que ça veut dire pour Ahl Sunnah? Pour eux, ordonner le bien et interdire le mal signifie de se rebeller contre le dirigeant lorsqu'il fait un péché. Donc c'est la bid'a des Khawarij. Ils ont aussi une autre bid'a qui s'appelle Al-Manzila Bain Al-Manzilatayn. C'est-à-dire qu'ils disent que celui qui commet un grand péché, il n'est plus mu'min et il n'est plus muslim et il n'est plus kafir. C'est-à-dire qu'il n'est pas kafir mais il n'est pas muslim non plus. Il est entre les deux. Il n'est pas croyant, il n'est pas kafir. Il est dans un degré entre les deux. Mais dans l'au-delà, s'il meurt, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Donc ils rejoignent la bid'a des Khawarij là-dedans. Il y a aussi la bid'a des Ash'ari, il y en a beaucoup comme ça. Donc il y en a plein d'autres qui sont des Mufassiqa. Puis il y a d'autres bid'a qui sont moindres. Comme par exemple, qu'est-ce que font les Soufis lorsqu'ils font leur dhikr en groupe? Ça fait partie des bid'a qui sont, disons, moindres, mais c'est quand même grave, hein, ou des choses de ce genre. Donc il y a des bid'a qui sont plus petites, moins graves, mais il ne faut pas dénigrer la gravité de la bid'a parce qu'elle n'est pas mufassiqa ou parce qu'elle n'est pas mukaffira. De dire, ah ben si ça fait pas, si c'est pas fils ou kufr, c'est pas grave de faire des bid'a. Non, parce que les petites bid'a, elles amènent à faire des grandes par la suite. Donc il faut toujours faire attention. On va voir aussi qu'est-ce que dit le cheikh à ce sujet-là. Cheikh Ubayd, il dit ici, هذا هو فقه البدعة الذي بينه السلف. فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح أنها مكفرة. وهذا أظنها لا تحتاج إلى وقفة ما دامت مكفرة. فالكل متفق على إنكارها، وإنما الخلاف اليوم في البدع المفسقة وما دون ذلك. Donc le cheikh, il dit que la bid'a, c'est comme ça qu'elle a été divisée chez les salaf. Et il dit que la bid'a qui est mukaffira, c'est très clair, parce qu'elle est mukaffira, elle rentre dans la mécréance. Et il dit, je ne crois pas qu'on a besoin de s'arrêter longtemps sur ça, puisque c'est une bid'a qui est kufr. Donc tout le monde est d'accord pour la condamner. Mais la divergence aujourd'hui, c'est surtout au sujet de la bid'a qui est mufassiqa et celle qui est moindre. Celle qui est mufassiqa, c'est-à-dire qui fait partie des grands péchés, ou qui est moindre. Il dit le cheikh, نقول السلف مجمعون على إنكار البدع حتى المفسقة وما دونها فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدعة وإنكار البدع دون تفريق فلم ينقل عنهم أن الإنكار عندهم مقصور على البدع المكفرة. Donc le cheikh, il dit que on dit par rapport à ça que les salaf sont tous d'accord pour condamner les bid'a, les innovations, même celles qui sont mufassiqa, c'est-à-dire qui font partie des grands péchés ou qui sont moindres que ça. Et cela a été rapporté par tawatur, c'est-à-dire par un très grand nombre de rapporteurs parmi les salaf, qu'ils ont tous condamné et blâmé les mubtadi'a, et qu'ils ont condamné les innovations sans faire de différence et de distinction entre elles. Et il n'a pas été rapporté que certains d'entre eux auraient limité la condamnation de la bid'a et des bid'a à celles qui sont mukaffara seulement. والأصل هو هجر المبتدع وهذا هو وهو الأصل أصل الأصل هجره وزجره وإن كان مظهرا بدعته. Donc là le cheikh ici maintenant il commence à parler de qu'est-ce qu'on appelle al-hajr, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle parfois le boycott ou le fait de couper les relations avec quelqu'un par rapport à sa bid'a. Et donc avant de rentrer dans ce sujet-là, on va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours inshallah en expliquant cette partie qui a rapport avec le hajr dans cette clarification de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.